c'est Julie Larousse. Quoi donc, les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer quand tu passes en tricot en les hanches. D'un clin d'œil, tout le quartier est dragué. C'est bien toi, la reine de la place blanche. Fais-nous danser, Julie Larousse. Toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à craquer quand tu trimballes ton éventaire. Ton arsenal sans faire de chiquet. T'as vaincu plus d'un grand militaire. Fais-nous danser, Julie Larousse. Toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Les gens disent que t'es de la mauvaise graine. Parce qu'à chaque homme tu donnes la béquille. Et que l'amour pour toi c'est de la rengaine. Fais-nous danser, Julie Larousse. Toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Chapeau bas, t'es une vraie citoyenne. Tu soulages sans revendiquer les ardeurs extra-républicaines. Fais-nous danser, Julie Larousse. Toi dont les baisers font oublier. Petite gueule d'amour, t'es à croquer. Car parfois tu travailles en artiste. Ton corps tu le prêtes sans rien faire casquer à tous les gars qu'on le regarde triste. Dans tes baisers, Julie Larousse, on peut t'embrasser le monde entier.